Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon pote de Bourg-en-Bresse, bientôt bordelais, Dominique Panchaud. Salut, salut à tous. Alors moi la galère c'est lors d'un gala, j'ai joué avec une amie qui s'appelle Fanny Gott et elle me dit je vais te chauffer la salle. C'est une artiste accomplie qui fait de l'humour depuis 25 ans, elle chante, etc. Donc, une pro. Elle chauffe la salle et vas-y, c'est à toi. Je sors de coulisses comme une fusée. Et donc, première chose, j'avais un micro-casque et j'avais oublié que le fil passait dans mon dos. Le fil s'est accroché à la poignée de porte de la loge et j'ai fait un vol plané à la Buster Keaton. J'ai même cru que je m'étais cassé le coccyx, quoi, tellement j'avais mal. Donc, juste avant de monter sur scène. Voilà, juste à l'entrée, tout le monde m'a vu. Et là, donc, je me relève, le micro qui pendouille. Donc, c'est déjà pas très joli, mais bon, voilà, je fais mon sketch, j'essaye d'assurer le truc. Et au premier rang, il y avait une dame d'un certain âge, qui, bon, 84 ans, faut dire ce qu'il est, qui avait un couteau, une fourchette, parce que c'était un repas, et qui tapait sur la table avec les deux mains, avec couteau et fourchette. « Fanny Gott, je veux Fanny Gott, reviens, je veux !» Donc, essayer de faire le sketch jusqu'au bout. Tu sens que t'as pas fait l'unanimité, quoi. Voilà, je sens que j'ai pas fait l'unanimité, mais malgré tout, je dis « c'est pas grave, tu tiens le coup, tu vas jusqu'au bout ». J'avais le droit à 3 sketchs, j'en ai fait donc 2, et au deuxième, j'étais plus que tout seul. J'avais plus personne autour de moi. Et j'ai vu la tête de mon amie Fanny Gott qui m'avait fait venir. Elle était complètement décomposée pour moi parce que, voilà, elle était malheureuse. Ouais, c'était de l'empathie, quoi. C'était de l'empathie complète et elle était malheureuse. Elle dit, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu faire. J'ai bien ri à ses vannes, mais bon, voilà. Ça passe pas à tous les coups. Mais là, j'avoue que j'étais quand même vexé. Mais tellement vexé. Je suis sorti. J'ai pas pu revenir sur scène saluer public avec mes deux amis humoristes du jour parce que j'étais dans un tel état que je sens que j'aurais été vulgaire avec le public. Ah, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est vraiment dur, quoi. En tout cas, merci beaucoup. On te retrouve sur scène bientôt, peut-être ? Alors, en ce moment, je suis un peu entre deux adresses. Hein. Je quitte ma ville de Bourg-en-Bresse pour venir m'installer à Bordeaux. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai l'occasion de présenter un nouveau sketch. Oui, voilà, tu seras le bienvenu sur la scène ouverte du Gavet Style à Bordeaux. Merci beaucoup. Tu as peut-être une page Facebook ? J'ai une page Facebook, non, pas vraiment. J'ai pas une page personnelle, mais pas encore en tant qu'humoriste. Ok, écoute, on verra plus tard. Si jamais tu lances une page, on en reparlera, voilà. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous tapez Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Vous pouvez laisser une note et un commentaire sur iTunes. Voilà, donc vous pouvez laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas à le faire, vraiment. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez, vraiment partagez à vos amis humoristes et les autres. Hein, parce que c'est pas un podcast seulement pour les humoristes. Hein, c'est un podcast pour tout le monde, hein, pour qu'on puisse partager un petit peu cet univers et nos galères, tout simplement. Voilà, se confier un petit peu. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.